Alors, première question, quel est mon rôle? Alors déjà, je me présente, je m'appelle Jacques. Et je suis chef éducateur au foyer Georges Motte. Je suis chef éducateur et je suis aussi le responsable de la comptabilité. Alors, est-ce que j'ai un diplôme? Oui, j'ai une formation en assurance, donc un graduant en assurance. Et puis, j'ai fait un diplôme A1 d'éducateur spécialisé. Alors, mon rôle au quotidien, c'est la gestion du groupe éducatif. Donc, au matin, je dispatche les missions de chacun. Et il y a aussi un contrôle en fin de journée pour voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Il y a aussi un travail social où on essaie un peu de toujours ramener les collègues dans le cadre du projet, quand ils peuvent s'en éloigner un peu. On amène aussi des pistes de réflexion pour essayer toujours d'aller plus loin. Donc le profil des personnes qui viennent dans notre centre sont des personnes qui se retrouvent à un moment de leur vie sans logement. Donc des personnes majeures de 18 à 65 ans qui à un moment de leur vie se retrouvent en difficulté. Donc ce sont des personnes qui doivent être de nationalité belge et qui ont droit à un revenu sur le territoire. Alors, petite particularité de notre centre, c'est qu'on a un foyer occupationnel. Donc on va, par occupation, on entend une activité journalière, qu'elle soit extérieure ou intérieure. Donc à l'intérieur, on a les magasins de seconde main de l'armée du salut, la cuisine, le nettoyage, une partie secrétariat, et sont en fait nos résidents qui font tourner la maison. Mais l'occupation, ça peut aussi être une activité extérieure. Donc on a des gens qui sont en formation, des jeunes qui ont repris l'école, des bénévolats extérieurs, des centres de jour pour personnes qui auraient des petits problèmes psychologiques, etc., etc. On peut même avoir un bénévolat à l'extérieur. À titre d'exemple, on a quelqu'un qui fait actuellement un bénévolat au Petit Rien et qui est hébergé chez nous. Alors, il n'y a pas vraiment de profil type. Donc, c'est vraiment toute personne qui se retrouve dans le besoin. Donc, on va avoir des personnes avec des problèmes de toxicomanie, des personnes avec des problèmes psychiatriques et des personnes de tous les jours. Mais on demande qu'elles soient stabilisées. Donc, stabilisées au niveau de leur consommation ou en traitement médical par rapport à leur suivi psy. Alors, il est bien évident que chaque personne au sein du centre a un suivi. Chaque personne au sein du centre a un projet individuel d'insertion. Donc, toute personne qui rentre dans le cadre du foyer doit avoir un projet. Alors, les projets sont multiples. Donc, on peut avoir quelqu'un qui va faire une recherche emploi, une recherche logement, qui sont vraiment des suivis, des projets un peu basiques, ou une remise en ordre administratif. Mais on va aller beaucoup plus loin. Donc, on va prendre un exemple. On pourrait avoir quelqu'un qui a des troubles psychiatriques. Donc, son projet serait d'avoir un psychiatre avec une rencontre assez régulière, un centre de jour pour le faire sortir un peu de l'enceinte de la maison et s'ouvrir vers l'extérieur, une médication adaptée et peut-être aller vers des appartements supervisés pour que cette personne ait un suivi aussi à l'extérieur d'ici. On peut aussi avoir comme projet pour un problème de toxicomanie, donc une personne qui vient en hébergement dans le centre, donc suivi médical bien évidemment, qui rentre en post-cure, qui revienne chez nous dans l'attente de rentrer en cure, ça peut parfois avoir des délais de 1 à 3 mois, et puis qui revienne après sa cure pour une recherche logement ou autre. Donc c'est vraiment important, c'est vraiment notre cheval de bataille au niveau de l'armée du salut, c'est une personne, un projet. Alors, au niveau du suivi aussi, on impose une épargne. Donc, chaque résident a un projet individuel, a aussi une épargne. Alors, pourquoi ? Ben, la raison est toute simple. Hein. C'est que les gens, quand ils partent d'ici, ils doivent avoir de l'argent de côté. On tape sur plus ou moins 2 500, 3 000 euros de côté pour quelqu'un qui voudrait s'installer en appartement. On peut aussi dire que les personnes ont un suivi journalier. Donc, grâce à l'occupation, les magasins de seconde main, on va travailler les... On va travailler les besoins de la personne. Il faut savoir que beaucoup de personnes qui arrivent dans le centre n'ont pas d'estime d'eux-mêmes. Donc le fait d'avoir une occupation, d'avoir un suivi au sein de la maison, ça nous permet de travailler l'aspect, l'image qui renvoie aux autres. Donc on va utiliser les magasins pour travailler un peu l'image corporelle, la façon dont ils s'habillent, la façon dont ils se présentent aux clients, la façon dont ils les accueillent, et essayer de mettre en avant les capacités de la personne pour leur dire, voilà, tu as des atouts, tu as des compétences, essaie de les utiliser. Alors, est-ce que ces personnes font des activités, on essaie d'organiser au maximum 2 activités par semaine, 2 plus grosses par mois, donc une activité extérieure, style paradisio, kayak, tournoi de mini-foot avec les petits riens, tournoi de belote, et on essaie de faire tous les soirs, quand c'est possible, parce que il y a toujours un manque de personnel, une activité dans la maison, donc on a un billard, on a une table de ping-pong, on a une salle de musculation, on a des jeux de société. On a fait une grosse activité, il y a quelques mois, c'était un bingo, ça s'était super bien passé, mais on essaie toujours d'avoir quelque chose à leur proposer en soirée. Alors on essaie toujours de retirer quelque chose de ces activités. Si on fait une activité cuisine, on va toujours être attentif à regarder comment la personne se débrouille, voir si elle a les capacités de cuisiner, de faire des courses, etc. etc. On essaie toujours de retirer un aspect pédagogique à toutes sortes d'activités. Alors l'activité, c'est aussi important parce qu'ils ont souvent tendance à être enfermés sur eux-mêmes, et l'activité permet de s'ouvrir vers les autres, de discuter, de passer un beau moment autour d'une table, au cinéma, peu importe, mais d'être avec les autres et de s'ouvrir vers l'extérieur. Alors, est-ce qu'il y a une bonne collaboration entre nous ? Oui, mais dans toute institution aussi importante que la nôtre, on rencontre souvent des problèmes de communication. Il y a un flux d'informations qui est important et intarissable. Et il est parfois difficile de s'y retrouver, donc on essaie à chaque fois de mettre des choses en place pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Il faut savoir aussi qu'on travaille sur différentes pauses, donc une pause de 8h-16h, une autre de 14h-22h et une troisième de 22h-9h du matin. Donc le fait de ne pas toujours pouvoir se voir au journalier, c'est aussi une raison des problèmes de communication. Mais on a une équipe où on peut retrouver quand même beaucoup de personnalités différentes, beaucoup de caractères différents, qui fait qu'on est vraiment une équipe assez complète et avec une bonne collaboration, une bonne entente. On pourrait aussi parler de la collaboration avec les résidents. Un de nos chevals de bataille aussi, c'est la création du lien et de respect. Donc avoir un lien de confiance et de respect mutuel. Donc on a aussi en général une très très bonne collaboration avec nos bénéficiaires, ce qui nous permet en fait d'aller beaucoup plus loin dans leur suivi et dans leur projet.